veut pas grand chose, elle passe en un instant comme freinent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes. Algunos salen a caminar, otros salen a correr, hacen yoga, van al spa, cambian de casa, de novio, de novia, de trabajo, de profesión, de familia. Otros hacen terapia, le hablan a las plantas, salen mucho, poco, nada, no salen, se desvelan, duermen, comen, dejan de comer, gritan, ríen y lloran. Yo hago radio. ¿Y vos? ¿Qué carajo haces al respecto? Escuchá. www.pedimeuntema.blogspot.com.